Quand nous fîmes connaissance, ma Louise et puis moi, c'était par un dimanche qu'elle dansait avec moi. Elle me pinçait les doigts, me faisait mille caresses. J'aurais cru à la voir que c'était ma maîtresse. Elle me pinçait les doigts, me faisait mille caresses. J'aurais cru à la voir que c'était ma maîtresse. Quand la danse fut finie, que le bal fut achevé. Quand la danse fut finie, que le bal fut achevé. Ma pensée vint lui dire, ma tant jolie brunette, tu n'auras pas toujours ta couleur vermeillette. Ma pensée vint lui dire, ma tant jolie brunette, tu n'auras pas toujours ta couleur vermeillette. À ces tristes paroles, ma Louise se fâcha. À ces tristes paroles, ma Louise s'embarqua. Louise s'embarqua dans un bateau sur mer, sur une jolie nacelle. Si jamais elle revient, mes amours sont pour elle. Louise s'embarqua dans un bateau sur mer, sur une jolie nacelle. Si jamais elle revient, mes amours sont pour elle. Au bout de 2-3 semaines ou un mois tout à peine. Au bout de 2-3 semaines ou un mois tout à peine. Louise est revenue, je l'ai vue ce matin sur le seuil de sa porte. Quand je l'ai saluée, sa couleur devint morte. Louise est revenue, je l'ai vue ce matin sur le seuil de sa porte. Quand je l'ai saluée, sa couleur devint morte. Louise, oh ma Louise, te l'avais-je bien dit. Louise, oh ma Louise, te l'avais-je bien dit. Que tes jolis yeux bleus, ta couleur vermeillette, auraient fait allonger ta jolie ceinturette. Que tes jolis yeux bleus, ta couleur vermeillette, aurait fait allonger ta jolie ceinturette. Je suis fille perdue, à moi ne faut plus penser. Je suis comme la rose au rosier. Quand la rose perd son teint, personne ne la recherche. Et moi à 18 ans, je deviendrai comme elle. Quand la rose perd son teint, personne ne la recherche. Et moi à 18 ans, je deviendrai comme elle.